Bien, merci beaucoup Hassan Raziri pour ces pensées qui vont certainement aussi contribuer à la discussion. Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints plus tard que malheureusement Ricardo Bocco ne peut pas participer à cette session de cet après-midi pour des raisons de santé. Et que donc nous pouvons passer maintenant à la discussion et que nous avons largement le temps, je pense, de réagir à ce que nous avons entendu. Il y a des micros, je crois, dans la salle. Donc j'ouvre le débat. M'avancer peut-être. Oui. Voilà, parce que je vois que les mains ont la difficulté. Donc, l'idée, c'est aussi que vous puissiez faire part de remarques ou de commentaires rapides que le micro circule. Mais je voulais peut-être réagir à ce qui a été dit. On a mis l'accent sur le côté un peu lié à la géopolitique, à la question de pouvoir et d'État. Pour vous donner faire part de ma propre questionnement sur cet aspect. Je reviens d'une rencontre en Algérie sur l'émir Abdelkader et le droit à l'humanitaire international. Il y avait toute une délégation du CICR, il y avait le président du CICR. Et donc on a discuté de cet esprit du droit humain, important du droit international, droit humanitaire, et on voyait la figure de l'émir qui vraiment est une figure assez remarquable parce que c'était un guerrier authentique qui a combattu 15 ans avec acharnement et brio contre la puissance française et qui a été par la suite, quand il s'est rendu, un homme absolument magistral comme homme de paix, comme intellectuel. Et son œuvre sur la question de l'islam, c'est-à-dire qu'il a été aussi un penseur extrêmement important. Il a produit notamment un commentaire coranique, Kitab al-Mawaqif, qui est une somme spirituelle vraiment extrêmement profonde et très riche. Et donc, dans cette rencontre, on discutait de l'aspect humanitaire. Et comme le professeur Oud Mohamedou l'a souligné, nous sommes maintenant dans un nouveau contexte où il y a une sorte de déshumanisation des conflits et de la guerre. Et il a cité cette œuvre du philosophe Grégoire Chamaillou, que j'ai lu avec grand intérêt, que ça vient de sortir. C'est la robotisation de la guerre, la déshumanisation de la guerre. Et on a parlé de conflits asymétriques. Je crois qu'il ne faudrait pas parler de conflits asymétriques, mais d'inversion de symétrie. Parce qu'en fait, cette robotisation de la guerre, cette idée du dommage collatéral qui cache en fait des morts de plus en plus importantes de civils, veut répondre, soi-disant, au terrorisme, à l'attentat suicide, au phénomène, à l'industrie du shahid. Et là, on a évoqué la question du jihad et du shahid. Et là, on voit que la religion, elle aussi, est instrumentalisée, qu'il y a une sorte de militarisation de concepts religieux tels que jihad ou bien shahid, et qui consiste aussi à déshumaniser l'individu qui commet un attentat suicide. Alors, on a, si vous voulez, le drone. Il y a une sorte de compétition entre le drone et l'homme qui devient aussi actionné à distance pour exploser dans un métro londonien, mais aussi dans une mosquée où des gens en prière, par exemple, meurent, et ça arrive tous les jours en Irak. Et donc, là, nous sommes dans un véritable impensé. Et l'œuvre de Grégoire Chamaillou est la toute première, mais là, nous sommes dans du non-droit. Il n'y a plus d'humanité. Donc, pourquoi parler de droit humanitaire? Je ferais remarquer aussi une chose, c'est que les armées, aujourd'hui, sont de plus en plus se professionnalisent. Et donc, l'idée, chez le combattant impérial, mais peut-on appeler un combattant quelqu'un qui actionne depuis le fin fond d'un État américain une arme qui se déclenche à des milliers de kilomètres et qui tombe sur le Waziristan ou sur le Yémen? Est-ce que le fait qu'il ne mette pas en jeu sa vie, c'est comme une réponse inversement symétrique par rapport à celui qui meurt et en donnant sa vie et en faisant tuer le plus de monde possible, Donc on est dans une compétition d'horreur. L'une est légitimée à coup de religion. Le professeur Shahroul, qui est parmi nous, a développé une démonstration très, très pertinente sur la notion de shahid. Comment, dans le Coran, par exemple, la notion de shahid renvoie soit à Dieu, soit à des êtres humains. Et l'idée, c'est du témoignage. En langue arabe, shahada, c'est témoigner. Et il montre que le fait qu'aujourd'hui, la perception guerrière, martiale, la martyrologie, est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans l'esprit du Coran. Dans l'esprit du Coran, Dieu est le témoin suprême, c'est celui qui voit, tout ce qui se fait, tout ce qui a lieu dans l'univers. Donc c'est une idée de témoignage. Et donc, pour les êtres humains, c'est des gens qui doivent aussi rendre compte de leurs organes, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Donc dans cette conception, le martyr n'est pas mort, il doit être vivant pour rendre compte de ce qu'il a vu. Donc j'ai cité parmi juste la démonstration du professeur Shahroul, mais je suis sûr que parmi nos éminents participants, il y aura beaucoup d'éclairages. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, la religion instrumentalisée et qui déshumanise, tout comme le terrorisme de l'État impérial déshumanise le conflit. Maintenant, je laisse la parole aux gens peut-être pour réagir ou poser des questions. Oui, s'il vous plaît. Avec vous, Barbara. Vous parlez arabe? Taban. Alors, il nous faut peut-être un interprète pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a des étudiants. Fadad. Oui, c'est bon. Le micro fonctionne. أنا قرأت أنا اسمي الدكتور محمد شحفور أنا قرأت كتاب عبد الله عزام جهاد لا يوجد سطر واحد في كتاب عبد الله عزام غير مأخوذ من التراث إن مرجعيات الجهاد والجهاديين والقاعدة والأصوليين والسلفيين والإخوان والوسطيين واحدة هي مرجعية واحدة وهذه المرجعية وضعت ما قبل عهد الاستعمار لا علاقة له بها هذه المرجعية وضعت في القرن الثامن الهجري وما زالوا إلى الآن يعتمدون عليها إذا أردنا أن نأخذ نبدأ بحل هذه المشكلة علينا إعادة النظر بهذه المرجعية نفسها لأن بدون إعادة النظر بهذه المرجعية لا يوجد حل أصلا Non, je crois qu'il faut éteindre les micros. Oui. Il faut éteindre les micros pendant que. Oui. Mais celui-là, je crois aussi. Non ? Bien. Je pense qu'on avait quelqu'un qui voulait faire la traduction pour ceux qui ne comprennent pas. Non ? Non, je peux le traduire si jamais. Monsieur Shahroul voulait faire une remarque concernant ce qu'a dit Monsieur Hamadou concernant Azam. L'ouvrage de Azam. Et il dit que dans cet ouvrage, toutes les références. Reviennent à la période qui vient avant le colonialisme, la période du 8e siècle après l'Égypte, c'est-à-dire 13-14e siècle à peu près. Et que si on aimerait sérieusement remettre en question cette pensée, il faudrait remettre en question ces références elles-mêmes. Voilà, si j'ai bien traduit. Merci. Je crois que l'idée, c'était également par rapport à cette question de retour en arrière, si je vous ai bien compris, que les deux doivent être mis en corrélation. La période, disons, post-coloniale, dans l'immédiat, et la profondeur historique qui va beaucoup plus loin. Et donc, c'est une forme de déni, en réalité, si j'ai bien compris votre commentaire, du désir d'avoir ce récit être... mis sur un piédestal de la manière dont Azam et d'autres hein, qui ont écrit Al-Maqdisi par exemple, et d'autres ont écrit sur ces questions, comme vous le savez. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai, et votre remarque est la bienvenue, je vous remercie. Oui, alors je propose à tous les à ceux qui posent des questions de se présenter d'abord et puis de poser leurs questions. Monsieur au fond, et puis oui. Je commence. Il y avait quelqu'un avant vous, si vous permettez. Oui, tout au fond, monsieur. Kostro-Karbar, de l'école d'études à Paris. Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu depuis ici. C'est une question à Oud Mamedou au sujet de cette dimension sécuritaire. Je suis d'accord avec ce fait que la dimension sécuritaire est souvent peu traitée. Et donc il faudra vraiment se refocaliser là-dessus. Mais par contre, quand il s'agit de dire qu'un certain nombre de notions relèvent de l'orientalisme, un certain nombre, par exemple, la notion de djihadisme dans sa version arabe, la première fois j'avais essayé de le dégager, c'était un intellectuel égyptien qui s'en sert, et pas des occidentaux. De même, quand on parle d'un certain nombre d'idées, par exemple l'exceptionnalité de l'islam. Mm-hmm. J'étais en Tunisie la semaine dernière, il y a des intellectuels tunisiens, si vous voulez, qui le défendent pour, en un sens, remettre en cause ce qu'on pourrait appeler le salafisme, etc. Hamadi Reddissi, c'est pas un français, c'est pas, enfin, il est très imprégné de ce qu'on pourrait appeler ces notions. Je veux dire, à la limite, cette distinction entre l'extérieur et l'intérieur, au niveau des intellectuels, au niveau des penseurs, s'estompe. On ne sait plus qui est qui, dans ce sens qu'il y a une sorte de circulation des idées. Et par conséquent, je prends par exemple l'islamofascisme. Cette notion, si vous voulez, est dangereuse, non pas parce que il dénote qu'il y a une dimension fascisante dans une certaine version de l'islam. Si on lit par exemple Mardisi, Tartoussi, Aboumous Abassouri, etc., je les ai vraiment travaillés moi-même et d'autres, il y a une dimension fascisante dedans. Le danger est de dire que finalement l'islamofascisme signifie que l'islam n'est que rien d'autre que le fascisme. C'est ça le danger. Sinon, par exemple, on peut parler de l'islamofascisme comme on peut parler de national-fascisme, national-socialisme, etc. Et ça existe. Le problème essentiel, c'est cette généralisation indue faite par un certain nombre, d'abord, d'intellectuels néocons aux États-Unis, mais aussi des journalistes de bas étage en Occident, en Europe. C'est ça le danger. Donc, ces notions-là, je pense qu'ils ont leur utilité comme ils ont leur danger. Et moi, je pense que à vouloir trop les exclure au nom d'une sorte de généralité liée à ce qu'on pourrait appeler la mutation de la fonction de la guerre, risque d'être aussi dangereux dans l'autre sens. Même si je suis d'accord avec la thématique essentielle que développe notre ami, à savoir que on ne donne pas tout son poids à la dimension sécuritaire. Le problème essentiel, c'est de trouver une articulation entre ces différentes dimensions et que on ne se focalise pas sur, si vous voulez, le fait que c'est par exemple l'Occident dominateur qui dénonce actuellement l'islamisme ou le salafisme. Vraiment, parmi les intellectuels arabes que je vois, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit ailleurs, ils sont très nombreux à le dénoncer. Et ils ne sont pas du tout des occidentaux au sens de défense d'une vision hégémonique d'un Occident qui voudrait en quelque sorte s'imposer intellectuellement. Et ils le font de l'intérieur, c'est-à-dire ils sont arabes, ils pensent comme intellectuels arabes qu'une certaine version de l'islam est dangereuse pour la démocratie, mais aussi pour l'ouverture et le printemps arabe. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais vraiment, je veux dire, ces articulations du passé en termes d'orientalisme, néo-orientalisme, etc., maintenant deviennent beaucoup plus floues, beaucoup plus fuzzy, comme disent les anglo-saxons. Merci. Je réponds tout de suite. C'est clair que ce n'est pas des individualités au sud ou au nord qui portent la différence. Je suis entièrement d'accord avec toi, Farhad, là-dessus. Je crois qu'il est clair que nous sommes déjà dans un débat global, ambiant. Le problème, fondamentalement, c'est le discours en soi. Et aujourd'hui, d'où que viennent ces idées? D'ailleurs, l'orientalisme, comme on en avait débattu avec Makram à Lyon, le néo-orientalisme est également porté par le Sud aujourd'hui. On le voit dans un certain nombre de blogs, de discours, de gens même qui ont combattu pour des idéaux démocratiques qui, consciemment, inconsciemment, en arrivent aussi à remettre à jour des catégories qu'ils étaient les premiers à décrier il y a quelques années. Ça participe de cette diffusion, de cette évanescence des frontières. Je suis entièrement d'accord. On n'a pas de différence là-dessus. À mon sens, fondamentalement, première idée, c'est le sécuritaire est absent du discours. Je crois qu'on est là-dessus. Il doit être présent et il doit être traité avec des paramètres sociologiques, historiques, psychologiques. La sociogénèse de cette violence doit être interrogée plus en avant et apporter différentes réponses. Bien entendu, il n'y en a pas une. Là où je crois que ce qui m'interpelle personnellement, c'est la façon dont on voit un certain nombre de cette expertise sécuritaire, souvent autoproclamée, d'ailleurs, disons, pour faire vite, journalistique, non, le mauvais journalisme, pas le grand journalisme de qualité, bénéficie de la normalisation de ces catégories. Le fait qu'on parle de plus en plus de ces termes qui sont vidés de leur sens. Oui, c'est vrai que la critique fondamentale du djihadisme viendrait de ce que vient de dire Rida, c'est-à-dire d'abord une disqualification du suicide en islam. La vie du croyant ne lui appartient pas, elle est à Dieu, elle lui est prêtée, il doit la rendre. Donc immédiatement, les techniques de suicide bombing sont déjà disqualifiées. Mais le fait qu'on a une catégorie qui est maintenant normalisée, ne serait-ce que par la répétition ad nauseum de ces questions, pose problème à mon sens, parce que précisément elle permet la normalisation d'un discours qui obtient une crédibilité scientifique là où il n'y en a pas forcément par rapport à ceci. Après, effectivement, on peut mettre l'accent sur telle ou telle question, mais certainement, je n'ai pas voulu dire, et je le précise par rapport à ta question, qu'il s'agit de penseurs au Sud et au Nord. Cette distinction n'existe plus aujourd'hui, plus que jamais, dans l'ère de la mondialisation, et en particulier, le printemps arabe n'est que l'illustration de ceci, puisque ça a été un événement, à mon sens, mondial, planétaire, et non pas simplement régional par rapport à ça. Mais le sécuritaire demeure quand même l'enfant pauvre de cette question, de ce débat, et je crois que là-dessus on est d'accord. Je te remercie. Le professeur Hanafi avait une question, je crois. Je ne sais pas si c'est raisonnable de faire une observation à M. Abdallah Naïm, mais en tout cas c'est une observation pour nous tous. Comment combiner une position séculaire radicale, séparant religion et État, avec un membre des Ikhwan al-Jumhuriyin qui unifie religion et politique, faisant une lecture politique de l'islam? Ce sont des positions complètement contradictoires. Il faut choisir. En tout cas, ma deuxième observation qui est finale, je ne sais pas dans quelle mesure l'intellectuel arabe ou musulman peut inventer, créer une position différente de la position occidentale, séparant religion et État, pour des raisons purement historiques au début des temps modernes, et la position fondamentaliste chez nous en Orient, unifiant religion et État. Ce des modèles est-il possible? Ces modèles est-il possible de créer un troisième modèle? Sinon, nous serions toujours dans l'umbrella des modèles occidentaux, antagonisant notre modèle. Et notre modèle nous accusant d'être des occidentalisés, etc. Cette polarisation qui existe, pas uniquement en théorie ou en politique théorie, mais dans les concurrences au pouvoir, nos nations vont être scindées en deux, plus que la partisanisation qui existe en Irak, en Syrie, en Somalie, au Soudan, par la transformation des mondes arabes en des petites nations sectaires ou ethniques. Je crois bien que l'intellectuel arabe manque un peu de créativité. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Hassan Razir et Mohamed Mohamed? C'est effectivement très difficile de réagir parce que en fait ce qu'on est en train de promouvoir à travers toutes nos activités, c'est de laisser la possibilité justement à cette créativité des intellectuels arabes musulmans d'interagir entre eux et d'interagir avec le reste du monde pour pouvoir sortir de cet antagonisme. Et je ne pense pas que les choses peuvent être faites facilement. Mais il est clair que je rejoins le professeur Shahrour, que si on n'a pas le courage de remettre en question un certain nombre de références, on ne pourra pas s'en sortir. De référence sous prétexte que c'est authentique et puis je pense que ce qui est en train de se passer dans le monde arabe est extrêmement important parce qu'il laisse la possibilité à cette liberté de penser de s'exprimer. Mais c'est le cadre qui est là. Maintenant, il faut le remplir. Et pour le remplir aussi, il est utile et sage de remettre aussi en question un certain nombre de concepts qui ont été véhiculés depuis maintenant près de 14 siècles et qui ont été renforcés au gré du jeu de pouvoir et qu'il faut certainement repenser, et en particulier relire le Coran avec des yeux nouveaux. Et je pense que vos efforts et les efforts de M. Shahrour et d'autres personnes sont indispensables pour pouvoir développer le cadre adéquat pour cette créativité afin qu'elle puisse s'exprimer et que pour qu'on puisse trouver une solution. Mais certainement, cette solution, premièrement, elle ne va pas tomber du ciel, puisque le prophète Mohammed est Khatam al-Nabiyyin, donc c'est à nous de faire cet effort, et que ça va prendre du temps. Alors voilà. Et donc, nous sommes conscients de la difficulté, et on essaye justement d'y remédier par un certain nombre d'initiatives, et je pense qu'on n'est pas les seuls, évidemment. Tout le monde arabe et musulman est traversé par ce questionnement, et puis essaye de trouver. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais... Je laisse réagir d'abord Mahmoud Mohamadou, ensuite Reda Ben Kiran, et puis monsieur, je ne sais pas si vous vouliez réagir à ça ou vous avez une autre question. Alors, je laisse d'abord. Merci, très rapidement, je vous remercie. La question que vous soulevez est très importante, elle est au centre de nos débats, au centre de ce qui se passe dans la région. Je dirais rapidement trois points. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'abord, y a-t-il une possibilité de réinvention? En tout cas, je la désire. Je crois que nous avons une chance d'interroger ces catégories qui sont universelles. Toutes ces catégories, la démocratie, la religion, voilà la possibilité pour l'intellectuel arabe de contribuer dans le sens universel. On parlait de dimension universelle à ces questions. Par exemple, la relation entre la citoyenneté et la piété, qui, à mon sens, ne sont pas antinomiques. J'aimerais bien voir aujourd'hui, alors que nous avons maintenant gouvernements qui sont dirigés par des islamistes, voir un travail de mise à jour de ces questions et peut-être contribuer à des nouvelles formes de réflexion là-dessus, des nouvelles formes de démocratie. Les sociétés ne sont loin d'être uniformes de par le monde, chacune a sa trajectoire. Ce sont des questions qui, je pense, sont un projet intéressant. Le deuxième point que je dirais, et il est un peu important et traverser ce que je disais, je crois aussi, de l'autre côté, que il y a un problème avec le provincialisme, le navel gazing. On est toujours en train de se regarder, de voir la spécificité de notre monde qui a une riche et complexe histoire. Mais autant je tiendrai ce propos à l'Asie ou à l'Amérique latine dont on parlait, ou à l'Europe d'antan, autant je crois qu'il faut entrer dans la danse du comparativisme aujourd'hui, en particulier pour les transitions. Ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres temps, est très important pour informer les processus de transition dans le monde arabe actuellement. Et je crois qu'on n'a pas assez souvent cette discussion au sein du monde arabe. Elle existe. Hein. Beaucoup de gens sont déjà impliqués dans ces processus, des débats, des activités, du militantisme. Mais elle n'est pas dominante, en tout cas. Le dernier point, c'est, je crois, que c'est la créativité dont parlait Hassan. C'est important aussi de tenter des chemins qui sont open-ended, dont on ne sait pas où ils vont aboutir. Et c'est le travail, peut-être moins, disons, du politologue ou du sociologue, que de l'activisme, de l'activiste ou du militant. Merci, je passe la parole à Rida Benkiran. Oui, dans votre question, Hassan Hanafi est vraiment à la base de ce colloque et des suites que nous envisageons. Et c'est une question difficile. Est-ce que les intellectuels manquent d'initiative, de créativité? Moi, je dirais que c'est une question qui est mondiale. Le rôle de l'intellectuel aujourd'hui n'est plus celui d'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, rappelez-vous mai 68. C'est une question aussi qui touche la crise aussi en Europe. C'est une question parce qu'il y a des nouvelles formes de mondialisation, une transformation aussi du rapport au savoir, du rapport au pouvoir, le rôle de l'information, de la révolution informatique. Donc on est. Et le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, ces révolutions sociales ont été quelque chose d'imprévisible, ou bien que l'on n'attendait plus. Et cette question que vous disiez, que vous lancez, qui pouvait paraître désespérée avant l'année 2011, aujourd'hui elle est d'actualité. Quand il y a eu la Révolution française, ils ont découvert sur le tard que Rousseau avait pensé le contrat social et le changement social, le changement révolutionnaire. Et c'est, il y a eu une découverte a posteriori de l'œuvre des philosophes, et c'est comme ça que Rousseau a incarné l'esprit de la Révolution française. Moi, j'ai l'impression qu'avec vos travaux, les travaux de Hassan Hanafi, de Mohamed Chahrour, de Feu Mohamed Abd el-Jabri, de Feu Mohamed Arkoun, franco-algérien, de Nasser Hamid Abou Zeid, de Abdelkrim Soroj, je peux en citer quelques-uns, nous avons une contribution significative. Donc je veux dire, il y a une œuvre. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de pensée d'une sécularisation de l'islam, d'un aggiornamento intellectuel, eh bien il y a, voilà, j'ai cité un certain nombre de penseurs qui ont placé la barre très haut, il y a une production intellectuelle, et aujourd'hui cette phase fait que ce qui s'est passé avec le printemps arabe, qui n'a pas de connotation religieuse. On est tous d'accord, les révolutions sociales arabes n'ont pas de couleur religieuse. Et ça, nous pouvons aujourd'hui... Et puis ce fameux mot d'Erhal, dégage, c'est libératoire. Donc, dégage, ça s'adresse au pouvoir, mais rien n'empêche que l'on puisse aussi maintenant avoir une position plus regardante vis-à-vis de l'autorité religieuse. Dans la religion islamique, il est dit qu'il n'y a pas d'autorité de clergé. Mais dans les faits, on peut voir que le rôle des théologiens, c'est devenu vraiment une force déterminante. Donc moi, je pense que nous sommes à ce moment précis où il y a besoin de connaître, d'avoir des idées pour définir le projet de société, parce que c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que ça ne marche pas si bien que ça, finalement, cette suite. Mais précisons que nous travaillons sur du très long terme. Là, ce qui se joue, ces questions, c'est pour les prochaines décennies. Donc, c'est pas intéressant. Il y aura des régressions dans le mois, les 6 mois qui viennent. Nous travaillons sur ces changements vont prendre du temps. Il faut donner du temps au temps pour se développer. Et donc, cette production intellectuelle qui va accompagner ces changements, il faut la produire et attendre ses effets sur le long terme. Merci. Alors, je crois qu'il y avait monsieur là, madame, et puis monsieur ici. Oui, bonjour. Je voudrais faire... j'ai une petite question pour le premier intervenant, dans la mesure où il est absent. Donc, ma question prendra la forme plutôt d'une remarque. Bon, d'abord, je voudrais saluer son approche quant au rejet de la discontinuité. Je pense que c'est une approche qu'on a tendance à oublier. Donc, je salue cette approche. Cela étant, je ne sais pas si j'ai très bien compris la position du professeur Naïm sur la charia. Probablement, j'ai mal compris. Les éminents juristes qui sont là vont m'expliquer. D'abord, on n'oublie pas que la charia, qu'il n'est pas permis de réduire le droit islamique à la charia. La charia n'est qu'une partie du droit islamique, premièrement. Deuxièmement, le fait de dire que la charia se disqualifie lorsqu'il s'applique, c'est-à-dire qu'elle perd sa qualité lorsqu'on l'intègre dans un cadre législatif, je pense que, pour le moins, c'est une position discutable. En tout cas, le point de vue du juriste, le point de vue du théologien diverge là-dessus. Pour expliquer, je voudrais faire référence à la théorie de validité normative connue par les juristes, la théorie de François Host, le philosophe belge. Il distingue trois validités. Validité empirique, validité axiologique et validité formelle. Validité empirique renvoie à l'efficacité de la norme, la charia. Validité axiologique renvoie à sa légitimité. Et validité formelle à la source. Le fait que la charia soit intégrée dans un cadre législatif national ne change pas grand-chose. Tout au plus, on peut dire que c'est la validité formelle. Bon, si la charia ne fait pas partie d'un cadre législatif et qu'elle continue à s'appliquer, c'est une application immédiate. Et lorsqu'elle est intégrée dans un cadre normatif national législatif, ça sera médiat, mais les validités restent respectées. Donc je ne vois pas en quoi le fait d'intégrer la charia dans le cadre normatif national lui fait perdre sa qualité. Bien, voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire, monsieur. Alors, je ne sais pas, évidemment, il est difficile, monsieur Naïm n'est pas ici, donc ça serait à lui de répondre ou de réagir à votre commentaire. Mais peut-être que les intervenants du panel d'aujourd'hui souhaitent s'exprimer. Youssef Bilal qui peut répondre à cette question. Pardon ? Il y a un intervenant qui peut répondre. Il peut répondre à cette D'accord, question. D'accord, alors. Il interviendra demain. Oui, alors je suis Youssef Bilal. Justement, pour cette. Il aurait été intéressant d'avoir. Le point de vue de Abdallah Naïm, parce que vous avez soulevé la question de la charia, je vous conseille de lire son livre Islam, Sharia and the Secular State. Et la position de Naïm sur cette question, c'est que précisément la charia ne doit pas être un droit de l'État. Si on peut traduire, même si c'est erroné à mon sens, charia par droit musulman ou par islamique law. La position de Naïm sur cette question est très intéressante parce que la question fondamentale qui se pose en réalité, d'exiger des musulmans qu'ils renoncent à la charia, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir comment est-ce que la charia peut être une source d'inspiration. Et c'est tout à fait la position de Naïm dans son livre. Pour qui la charia peut être une source d'inspiration pour les communautés musulmanes dans un espace du politique et dans un espace qui est l'espace du politique mais qui n'est pas l'espace de l'État. Donc c'est une source d'inspiration dans un espace qui est parallèle à celui de l'État. Parce que tout le problème, c'est de savoir comment la charia peut être une source d'inspiration, ce qu'elle a été historiquement jusqu'à la période coloniale, et comment est-ce qu'elle peut être une source d'inspiration à travers une tradition discursive aujourd'hui pour les musulmans et à travers cette mémoire. Donc, et sur la question de la charia, il faut, pour comprendre ce qu'elle a été historiquement, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, et dans votre intervention, c'est qu'elle avait une connotation négative et qu'il fallait, en quelque sorte, la mettre sous le tapis, ou s'en débarrasser, ou... Non, la question fondamentale, c'est de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la charia. Est-ce que d'abord c'est pertinent de parler de charia ou plutôt de fiqh? Ce sont deux choses différentes. Et qu'est-ce que c'est que la charia dans le texte coranique, dans le hadith, dans la tradition, dans la pratique? Toutes ces questions-là sont très importantes et beaucoup de gens parlent souvent un peu rapidement de la charia sans savoir ce que c'est. Parce que la charia, dans sa traduction littérale, ce n'est pas le droit musulman ou islamique blanc. Ce sont des traductions orientalistes, néo-orientalistes et coloniales. La charia, dans son sens littéral, c'est la voie. C'est la voie qui mène à la source. Et même dans les premières traductions, les premières significations de la charia, ça signifie l'eau. Miyah, le forat. C'était shari'at, le forat. Donc on est très loin de ces conceptions aujourd'hui très, très, très modernistes et souvent néo-orientalistes. Donc tout ça pour... Enfin, je ne voulais pas répondre à la place d'Abdullah Naïm. Je vous conseille de lire son livre Islam, Sharia and the Secular State. Mais sur cette question, on pourrait y revenir plus longuement demain sur qu'est-ce que c'est réellement aujourd'hui que la Sharia, comment elle peut être une source d'inspiration aujourd'hui et accepter aujourd'hui le débat sur la charia et sur l'appropriation qu'on peut faire aujourd'hui de la charia et non pas être apeuré, ne serait-ce que par ce terme, comme ces termes dont a parlé M. Mohamedou, le jihad, la charia, tous ces épouvantails qu'on nous sert, mais comprendre ce que cela signifie au jour d'aujourd'hui pour les musulmans, ce que ça signifie de vivre la charia au quotidien. Voilà, merci. Bien, merci, merci beaucoup. Il y avait madame qui avait une question. À vrai dire, c'était la même. Parce que je suis restée vraiment très perplexe en écoutant la première conférence, la vidéo. Et donc, je sentais que je ne comprenais pas. Donc là, j'espère qu'il y aura un éclairage demain. Mais puisque la charia, c'est la voie vers la source, là je rejoins la question tout à l'heure de monsieur, c'est que pour moi la source ne peut se penser que dans un écart. Et je pense que le problème, parce que vraiment je remercie les organisateurs pour ce colloque, hein, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment penser à l'islam, comment repenser à l'islam, c'est comment créer notre modernité à nous. Et le terme qui n'a pas encore été prononcé, peut-être qu'il le sera, c'est la question du sacré et la désacralisation. Et on a l'impression aussi, parce que Melkirane parlait tout à l'heure de Rousseau et vraiment le siècle des Lumières, la Révolution française a suivi quand même le siècle des Lumières. Est-ce que maintenant nos intellectuels pourraient vraiment penser librement sans être taxés de blasphème, de blasphématoire, d'athéisme, de... comment on dit de... Oui, tout à fait, d'hérésie. Enfin, je cherchais le terme en arabe. Donc, c'est vraiment une question aussi, la question du sacré aussi, qui paralyse la pensée. Et c'est pour ça, peut-être, que nous avons tout à fait intérêt à penser la source, mais à partir d'un écart de la source. Sinon, on terminerait comme le pauvre Narcisse qui tombe dans sa source. Je crois que M. Chahour veut commenter sur... À point de l'esprit, le تعليق على الشريعة الإسلامية طبقا لإحصائيات محمد علي جمعة مبتتيار المصرية الشريعة الإسلامية يوجد فيها 1,100,000 مشكلة شرعية محمد بن عبد الله ما بيقدر يطبقها لبسه لسبب كما يقال تطبيق الشريعة مو غير ضروري مستحيل أصلا حتى الرسول نفسه ما بيقدر يطبقها لأنه هي مؤلفة الآن من 1,100,000 مسألة فقهية الآن وهذا كلام كله عبارة عن كلام حشو ما له أي معنى Donc, selon Mohamed Ali Juma, si j'ai bien compris, la charia donc, est composée de 100 000 charias, de 100 000 à 1 million. 1 million 100 000, excusez-moi. Et donc, ce n'est pas, ça ne fait pas de sens de parler de la charia. Et il me semble bien que ça, c'est un point important à discuter. Qu'est-ce qu'on entend quand on utilise ce mot? Et c'est quelque chose que certains des intervenants ont déjà dit. Merci donc pour cette précision. Je passerai la parole à monsieur devant moi. Parlez plus fort, je n'ai pas le micro. Il y a un micro. C'est bon. C'était en continuité avec les réponses, vos réponses à la réaction de monsieur. Au fond, le savoir a toujours été au service du pouvoir, malheureusement. Et depuis peut-être l'époque du nationalisme arabe, il y a eu un commencement de balbutiement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un risque ou pas, mais ma question, situation bizarre et drôle, madame, s'adresse à vous, et non pas aux autres. C'est parce que j'ai vu ici, quand vous lisiez un petit peu, le résumé du travail des autres, j'ai lu le vôtre. Et là, vous travaillez beaucoup la créativité, vous avez travaillé beaucoup sur la créativité artistique. Alors, quand il s'agit de créativité intellectuelle, ma foi, l'intervention de M. Chahrour prouve qu'on peut avoir beaucoup de confrontations et difficiles à résoudre. Par contre, est-ce que, à travers votre expérience, est-ce qu'à travers la création artistique, on peut commencer déjà à faire bouger les choses? Pour abréger la réponse, sans doute. Sans doute, et d'ailleurs, on sort un peu du sujet. Enfin, moi, si je modère la session en étant vraiment dans un autre domaine, parce que religion et État, c'est pas vraiment le sujet sur lequel je travaille, même si on me pose toujours la question par rapport à la création artistique, parce qu'on revient toujours dans un discours un peu néo-orientalisme sur la question de l'image en islam, qui aurait interdit les images, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a de nombreux artistes, et ceci, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'art moderne, le fan al-hadith, dans le monde arabe depuis plus de 100 ans, et je pense qu'effectivement, c'est une des manières de contribuer à une discussion, disons, sur... Je ne sais pas si on peut parler de sécularisation, peut-être de... Je ne sais pas, de la création de nouveaux paradigmes, disons, culturels dans le monde arabe, et le fait que, par exemple, dans les 10 à 20 dernières années, cette créativité qui existait, mais qui n'était pas vraiment toujours prise en compte et soit entrée un peu sur le devant de la scène, peut certainement être aussi un moyen pour contribuer à un discours, disons, séculier, je dirais, plutôt que laïque, parce que ça a souvent une connotation assez particulière liée à l'histoire, surtout de la France. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut partir de là. Maintenant, je ne veux pas vous sortir sans images, par exemple, des exemples qu'on pourrait citer à cet exprès. Enfin, merci pour votre question. Bonjour. On vous entend. D'accord. Je suis David Limon, j'ai une question pour Monsieur. Non, Gazali. On ne vous entend pas. Pardon ? Oui, ça va, ça. Ah, excusez-moi, gentil. Oui, j'ai une question pour M. Gazali, parce que tout à l'heure, il avait développé un élan de réflexion qui m'a interpellé. Il disait que dans le monde arabo-musulman, il y avait une difficulté pour assimiler l'institution. Et j'aurais souhaité, si c'était possible, d'avoir un développement là-dessus. Merci. Moi, je pense que, effectivement, le concept d'institution. On a vraiment de la peine à le mettre en place. C'est-à-dire que, l'institution est aussi un concept, une entité qui a été plutôt développée par Rome, par la Grèce, Rome, et dans un contexte différent du nôtre. Pourquoi ? Parce que sans doute que justement que l'islam en fait, ainsi que enfin, la chrétienté et le judaïsme, s'est adressé à l'individu. C'est l'individu qui est mis en valeur. le message s'adresse principalement à l'individu qui doit faire l'effort par sa raison et par son travail de se rapprocher de Dieu et de satisfaire sa volonté. La mise en place d'une institution qui devrait pérenniser d'une certaine façon et pallier au fait que les individus sont des individus qui sont mortels et qu'il faut trouver une solution à ce problème, l'institution a été inventée. Mais dans un contexte islamique ou monothéiste, la pérennité, elle est assurée par la divinité, par Dieu. Donc l'institution n'est pas une question aussi cruciale que en Occident. Et cette question interpelle aussi ou aboutit à la question du politique. Parce que le politique aussi, dans le monde musulman, est une question qui est presque évacuée. Ce qui est en place, c'est en fait le pouvoir. Et la politique, c'est juste la conquête du pouvoir. Ce n'est pas le service de la chose commune. Qui est le fondement, disons, de l'État, de l'institution et du politique. Et dans nos pays, jusqu'à maintenant, on a encore un problème. Je dis concrètement, on a un problème. Le Liban, qui n'a pas, par exemple, qui soi-disant a une certaine démocratie, eh ben, il a de la peine à mettre en place un État qui est efficace, qui joue son rôle. Et ce qu'on appelle État, qui était par exemple le califat ou bien du temps des Ottomans, le rôle de l'État était principalement d'assurer la sécurité et le calme et de collecter des impôts sans vraiment jouer un rôle dans le développement du pays ou de la région. Et c'est ça qui nous a fait un problème. Et maintenant, on est justement entre ces deux dimensions. La dimension institutionnelle, donc on a de la peine à mettre un État qui n'est pas qui est efficace, libéré d'une certaine façon d'une certaine charia ou bien d'une certaine contrainte, disons, qu'on a mal compris. Et d'un autre côté, ben, il y a quand même cet individu qui est protégé par la volonté divine. Et c'est cet équilibre-là qu'on a du mal à trouver, ce point d'équilibre entre l'individu et l'institution, et l'État, et le politique. D'ailleurs, Si on remonte aussi à la Grèce, le politique qui s'exprime à travers les différentes institutions, ben, il vient avant l'éthique. Et pour Aristote, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que l'homme est un animal politique. S'il y a un animal politique, ce n'est pas politique, c'est un animal. Et donc, que ce qui compte, c'est la relation de l'homme avec le reste, l'homme dans la cité. Alors que dans notre univers mental, c'est l'éthique et l'individu qui vient avant le politique. Voilà. On va faire un petit commentaire. Merci. Oui. Je voudrais rajouter un petit commentaire là-dessus. Je crois que l'idée est fondée. Elle n'est pas forcément simplement. Elle n'a pas simplement une profondeur religieuse. Je crois que plus proche de nous, on voit que cette faiblesse des institutions, qui n'est pas endémique, c'est une dynamique que l'on voit dans la région. Ça fait partie des difficultés qu'on a aujourd'hui. Il y a ce fondement du legs religieux, l'absence de clergé aussi est une dimension importante. Le fait, à mon sens, que l'islam est une religion très démocratique, la relation directe entre le croyant et son créateur évacue un petit peu cette dynamique de, d'institutions telles qu'elles ont été expliquées à l'instant. On peut rajouter la culture du pouvoir, ça va donc du chef de la tribu, le Kabila, jusqu'au Zaïm, jusqu'au leader des révolutions dont on a parlé. Il y a toujours cette présence, on a parlé d'Abdel Qader, on aurait pu penser à Amal Mortal ailleurs. Il y a toujours cette centralité de la relation au leader qui donc, de facto, affaiblit, ne serait-ce qu'indirectement, les institutions. Et puis troisièmement aussi, la nature personnelle de ces relations, de ces dynamiques, notamment avec les leaders, alors que les institutions, par définition, doivent devenir impersonnelles. Je lis ça à l'actualité pour voir un petit peu ce qui se passe en Libye. Vous voyez les difficultés qu'on a. Il y a une espèce de paradoxe. Le rejet de l'autorité dictatoriale, autoritariste, donc Gaddafi pour faire vite, est une chose. Mais le rejet qu'on voit aujourd'hui de toute autorité, les milices par exemple, qui refusent de rendre leurs armes, qui prennent d'assaut des ministères, etc., devient problématique à un moment où on disait tout à l'heure les institutions doivent être mises en place. Et peut-être que quelque part, pas simplement le fait colonial précédent ou le fait post-colonial de ce que Gaddafi a fait par exemple pour affaiblir les institutions, peut-être qu'il y a, je crois qu'il y a une dimension plus profonde derrière ça qui peut nous aider à identifier cette faiblesse traditionnelle des institutions dans le monde arabe. Je pense dans tous les cas que dans la prochaine phase, on parlait de réinvention, de recréation, refondation, le projet d'institution forte, légitime, représentative, bien entendu, doit faire partie de cette discussion sur la citoyenneté. Je crois que madame voulait intervenir depuis longtemps. Je voudrais être assez rapide parce que mon opinion vient de toucher à un point qui m'occupe beaucoup. Je crois qu'entre la relation que l'individu a avec son Dieu et puis l'idée de la relation d'un citoyen à l'État, il y a justement la relation, alors qu'elle est très personnelle, avec une communauté plus restreinte, qui est celle de la famille ou de la tribu. Et je crois que là, je me demande quel rôle cela a, même dans des États qui sont constitués, mais on voit que c'est une relation forte qui ressurgit au moment où l'État s'affaiblit. Merci pour ce commentaire. Je crois qu'il y avait... Oui, Monsieur Bilal. Je crois qu'il voulait. Oui. C'était avant. Et puis. Il faut faire attention aussi à prendre la manière dont on interprète le passé et peut-être les généralisations. Quand on parle d'institutions, dans le monde musulman, il n'y a pas d'institutions. Traditionnellement, il n'y a pas d'institutions. Enfin, je dirais, il faut quand même être sérieux. Restons sérieux. Pour rester sur l'exemple du fiqh et de la charia, je renvoie aux travaux de Wael Halaq. La manière dont il décrit historiquement comment fonctionne l'institution du fait, comment fonctionne l'institution de l'ifta, du mufti, le fait de donner l'opinion juridique, comment fonctionne l'institution du qadi, comment fonctionne toutes les institutions qui sont reliées à la transmission du savoir. Qu'est-ce que c'est que le qaraouine, qu'est-ce que c'est les étudiants, qu'est-ce que l'azal, si ce n'est pas des institutions, quel est le nom que vous leur donnez à ce moment-là? Donc je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, peut-être qu'il y a une confusion dans la tête des gens entre l'institution et l'État. Ce sont deux choses différentes, et l'État moderne. Ce sont deux choses complètement différentes. Qu'il y ait aujourd'hui un souhait ou une volonté ou une projection téléologique, non pas théologique, parfois la théologie peut aussi avoir une dimension théologique, mais téléologique, c'est-à-dire orientée vers une fin, qui est celle de dire il faut uniformiser... autour des sociétés musulmanes, autour de l'État moderne, ça c'est une... et rechercher les manques. Et donc depuis tout à l'heure, cet après-midi, on est en train de rechercher les manques, d'identifier les manques, de dire mais voilà c'est ce qui manque dans les sociétés musulmanes, voilà ce qu'il y a en Occident, voilà quelle était l'histoire d'Occident, et voilà ce qui manque. Et on est en train d'identifier les manques et de se dire pour atteindre l'étape supérieure dans une démarche historiciste presque positiviste, en disant voilà, il faut, voilà ce qu'il faut. C'est une approche qui se défend, mais en tout cas c'est pas la mienne. Je pense qu'on peut être plus créatif que ça, Et je pense qu'il faut savoir interroger le passé lorsqu'on parle de choses comme les institutions. Et précisément, faire un travail historique, un travail à partir des archives, un travail d'interprétation de ce qu'a été le passé précolonial et dans la manière dont ces institutions précisément qui représentent l'esprit un certain esprit de l'islam qui est différent de ce qui était l'histoire occidentale. Et donc il faut savoir interroger ce passé pour assurer pour essayer de comprendre dans quelle mesure ce passé peut être une source d'inspiration aujourd'hui dans le présent. C'est ça la question fondamentale, parce que là, on ne peut pas aujourd'hui régler et poser de manière pertinente la question que ce soit les questions de citoyenneté ou les questions de, ou plus fondamentalement la question du mal-être ou du bien-être aujourd'hui des musulmans et sociétés musulmanes, si on n'est pas dans ce double rapport, dans ce double questionnement du passé et du rapport à l'Occident. Et aujourd'hui, ces institutions-là, dont je viens de parler, comme celle, par exemple, toutes celles qui sont reliées au fait et à la charia, et pour aller vite à tout ce qui relève du droit musulman ou de l'éthique musulmane, il faut interroger ce passé-là et interroger les ruptures coloniales qui continuent aujourd'hui de façonner le présent des sociétés arabes, des sociétés musulmanes. Et je pense qu'il faut qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. Et sur la question éthique, je veux dire, en Occident aussi, je veux dire, Aristote n'a pas simplement dit que l'homme est un animal politique, il a aussi écrit l'éthique à Nicomaque, et l'éthique est centrale aussi dans la vision aristotélicienne et grecque de la politique. Je pense aussi que ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Merci. Merci. Avant de donner la parole de nouveau à la salle, Mahmoud Mohamedou voulait réagir là-dessus. Moi aussi, et voilà, bon. Allez-y. Non, vas-y. Je crois que vous avez soulevé la question, donc je voulais très rapidement, à mon sens, tout ce que vous dites est très vrai, je le rejoins, simplement précisons d'abord sur le fait colonial. J'ai commencé par préciser tout à l'heure que loin de moi l'idée justement de chercher à tendre vers cet ordre qui serait universel puisqu'il est occidental. Tout le contraire, précisément j'invite à une réinvention, on en discutait à l'instant, sur la base d'un examen d'une histoire qui peut être inscrite dans l'universalité. Je crois qu'il y a une contradiction dans le fait de passer le temps à regarder notre histoire, l'interroger, et en même temps nier la capacité d'avoir cette histoire non simplement influencer la trajectoire de ces sociétés, elle est déjà en train de le faire, elle est en train de le refaire, mais également participer de cet universel. Donc sur ce point-là, je parlais précisément non seulement du colonialisme occidental, mais de le colonialisme, puisque le monde arabe en a vécu deux, ottomans auparavant, donc une longue période dans laquelle nous avons vécu cet affaiblissement, en tout cas de la capacité à décider de la direction de ces sociétés sur la base de leur propre histoire. Pour rapidement d'ailleurs lier ça avec ce que disait Rida tout à l'heure, ça ne commence pas loin de là avec les Lumières. Les Lumières sont elles-mêmes, et vous le savez tout à fait, le produit de tout ce qui s'est passé en Andalousie, en Sicile, durant de longs siècles. Et là aussi, il y a une espèce de subterfuge, de récupération d'un travail qui n'est pas simplement religieux, mais scientifique d'abord sur ces questions. Donc ce point-là, il ne s'agit pas d'essayer de travailler un travail d'émulation de l'Occident. En même temps, l'universalité dans laquelle à la fois l'Occident et l'Orient se rejoignent, pour moi, existe, en tout cas en tant qu'humaniste par rapport à ça, et je dis ça peut-être de manière naïve. Sur les institutions, je pensais, en ce qui me concerne, simplement aux institutions politiques contemporaines dans lesquelles on peut, je crois, être d'accord sur la faiblesse, comme je disais tout à l'heure, de la matrice étatique, d'abord à la faveur de ce colonialisme, qui était un projet de dépossession, même si l'administration ottomane était complexe et elle est encore présente en Égypte, ce n'était pas une administration qui permettait l'émancipation, la représentation citoyenne de ces groupes. Bien sûr que l'Azhar est une institution, bien sûr que l'Awqaf et toutes ces dynamiques qu'on peut considérer comme étant des institutions, mais pas des institutions politique dans le sens de lier, de faire partie de l'architecture d'un État moderne contemporain en ce sens-là. Moi, je voulais dire que, en fait, l'institution religieuse telle qu'elle est en Occident n'existe pas en islam. En tout cas, l'islam sunnite, l'église n'existe pas, il n'y a pas une église. Quand le mufti sort une fatwa qui, par exemple, frappe de... frappe de... Excommunication. Personne ne le prend au sérieux. Ceci s'est passé dernièrement au Liban. Ça se passe dans d'autres pays. Mais le concept d'église, d'institution religieuse duquel dépend le croyant, n'existe pas. Bon, dans l'islam chiite, peut-être c'est un peu différent, mais en tout cas dans l'islam sunnite, ce n'est pas le cas. On essaye justement de sacraliser cette fonction, de sacraliser cette fonction-là et de la rendre aussi puissante que les autres institutions qui existent en Europe ou qui existent chez les chrétiens, à savoir l'Église. Concernant l'Azhar, concernant toutes ces institutions pour la transmission du savoir, je donne juste une petite illustration. Dans nos pays, les anciens penseurs ou ce qui compte, ce n'est pas le fait qu'ils soient sortis d'Al-Azhar, c'est le fait d'avoir obtenu la licence d'un tel maître. Contrairement à ce qui se passe actuellement, ce qui compte, c'est de sortir de Harvard ou bien de l'institution universitaire telle ou telle. Mais à l'époque, et même jusqu'à maintenant, ce qui compte, c'est l'ijaza que tu prends, que nous prenons, ou que le cheikh prend de son maître. Ce n'est pas le fait de sortir d'Al-Azhar. Al-Azhar, au même titre qu'Azaytouna, c'est une mosquée, un cadre dans lequel s'exerce un certain nombre de fonctions. Une bibliothèque, une salle de prière et un endroit où les maîtres, les chers peuvent prodiguer leur savoir aux autres. Ça ne veut pas dire que bon, il n'y a pas d'institution. Simplement, l'institution, elle n'est pas sacralisée. Elle n'a pas le même rôle et la même force que l'institution telle que l'Église qui existe en Occident. Et ça a une répercussion aussi sur l'institution politique, à savoir l'État. Le rapport à l'État n'est pas le même quand on parle avec monsieur tout le monde. C'est-à-dire, l'État, c'est un peu l'ennemi, au contraire. Ce n'est pas l'entité qu'il faut servir. Il y a cette mentalité qui existe, et puis on peut donner des tas d'exemples. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'institutions, ça ne veut pas dire que nous devons faire l'effort justement de mettre en place des structures institutionnelles capables de répondre à un certain nombre de défis à cause justement d'une situation démographique qui a énormément changé, et puis d'autres aspects. Voilà. Bien, merci. Je pense que là, on est au centre d'un débat très vaste. L'Église, peut-être, je me permets d'intervenir là, il faudrait peut-être aussi nuancer, parce qu'il y a quand même l'Église catholique qui a cette fonction-là, parce que si nous sommes ici, je rappelle quand même, dans la Rome protestante, les choses se présentent un peu d'une autre manière. Et puis, je pensais aussi, quand vous parliez de l'État comme ennemi, je pensais à la droite américaine, par exemple, où l'État est quand même aussi un ennemi. Il n'est pas du tout vu comme quelque chose qu'on doit servir. Donc, je pense que la question est très complexe. Et puis, je vois qu'il y a des points de vue aussi très différents. Mais j'aimerais redonner la parole à la salle. Alors, j'avais enregistré Zidane Meribout, et puis Hafid Wardir, et puis, je ne sais pas, Leïla Al-Bachiri. Est-ce que les questions sont encore actuelles ou bien elles sont déjà... Alors, Zidane Meribout, alors peut-être. Merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir effectivement sur la question de l'institution. Et je dois dire qu'on était un petit peu perdu, mais ça a été précisé par Hassan Gaziri et aussi par notre collègue qui est derrière la salle. Moi, je dirais tout simplement, quand on est perdu, je me rappelle dans cette salle même, le professeur Guggenheim, il y a quelques années en arrière, quand on se perdait sur l'institution, donc l'institution en droit musulman ou en droit européen, lorsqu'on se perdait, il nous disait, écoutez, pour la personne morale, la personne juridiquement protégée, la personne morale ou l'institution, tout simplement, moi, je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Avec une personne physique, j'ai toujours déjeuné. Et je reviens au sujet, si vous voulez, de l'État musulman. L'État musulman est composé, comme on le sait classiquement, par un territoire, une population et des institutions. Les institutions, malheureusement, dans l'État musulman, sont faibles. Toutes les recherches qui sont faites depuis le 7e siècle jusqu'à présent, elles sont faibles. Elles ne montrent pas cette personnalité juridiquement protégée ou cette personne morale avec laquelle on n'a jamais pu déjeuner. Par contre, on a déjeuné avec des chefs de dynastie, avec des grands puissants qui les composent. Avec les modes d'acquisition du pouvoir classique dans l'État musulman depuis le 8e, le 7e siècle jusqu'à présent. On déjeune, on a, si vous voulez, une représentativité d'une administration souveraine, d'une dynastie qui la représente. Et à cela est liée la souveraineté. Et là, quelqu'un a soulevé la question de la souveraineté tout à l'heure. Malheureusement aussi, s'il y a la souveraineté par rapport à l'État d'Oula, elle est faible, elle est affaiblie aussi en droit musulman. Pourquoi ? Tout simplement parce que la siyada, la souveraineté, elle est liée aussi à un souverain, à une personne physique, jamais à des institutions. Des institutions, c'est-à-dire cette personne morale avec laquelle je n'ai jamais déjeuné. On ne la retrouve pas, malheureusement. Et sur ça, et je crois que vraiment je vous félicite pour ce colloque, on est en train d'approcher cette problématique que je crois avec les éminents professeurs qu'on a ici. Demain et aujourd'hui déjà, on a abordé cette question de l'institutionnalisation, si vous voulez, des institutions musulmanes. On est en train de mettre les jalons par rapport à l'État musulman et je crois qu'on a touché du doigt la vraie problématique de la nature de l'État musulman. Et je crois que le premier professeur Naïm, quand il avait abordé, il avait touché à des problèmes fondamentaux qu'on n'ose pas, on n'a pas le courage d'aborder, mais ici, je crois que le colloque a eu le courage de les aborder avec sérénité. Merci beaucoup, et je crois qu'on va en continuer durant ces 3 jours. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je passe donc la parole à Leïla Al-Bachiri, qui est là derrière. Bonjour. Je voulais d'abord remercier les organisateurs pour ce colloque extrêmement intéressant. Et également revenir sur les propos de M. Reda Benkirem, que je salue, concernant justement cette comparaison très intéressante entre la Révolution française et la redécouverte des penseurs tels que Rousseau, et justement le printemps arabe et la redécouverte de personnes et de chercheurs et d'historiens extrêmement intéressants qui ont travaillé justement sur cette question qui nous touche aujourd'hui dans cette actualité, qui sont la question du pouvoir et la question de la charia. Alors je pense notamment à l'œuvre fondamentale de Ali Abdelrazak avec l'islam et les fondements du pouvoir, qui en 1924, et qui est un théologien de l'Azhar, qui a donc rédigé cette œuvre fondamentale pour les réflexions actuelles, où il pose la question « Le prophète était-il roi ?» Et il répond avec les sources islamiques à l'appui que le prophète n'était pas un roi, mais était un chef de communauté et non pas un chef politique. Et il a développé toute une théorie sur justement la sécularisation en islam à partir de là, en avançant comme Hisham Jaid dans son livre Al-Fitna al-Kubra, que le califat, l'institution califale, était finalement une calamité pour l'histoire politique de l'islam, vu que par exemple toute cette période mythifiée par les islamistes des 4 califes, l'histoire nous le dit bien, les sources historiques, 3 califes sur 4 ont été tués. Donc en quoi cette période est-elle une période idéale? Autre question touchant directement la charia, le droit musulman. Il y a par exemple Abdelmajid Charfi qui a écrit l'islam entre l'histoire et le message, l'islam baina tarikh wa risala, où il revient sur l'origine historique de l'institution de la charia avec l'œuvre de Shafi'i au 9e siècle, qui, après un combat entre les Ahl-Ray, qui étaient donc les partisans de la raison autonome, et les partisans de Ahlul Hadith, les partisans de la tradition, il y a eu tout un débat sur quel est le fondement de l'islam, et il y a eu la primauté justement du droit par rapport à la raison autonome, avec le succès d'Ahl Sunna. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire surtout que c'est le fruit d'une élaboration historique et qu'on doit revenir à cette critique historique pour réfléchir aujourd'hui à cette question fondamentale. Et évidemment, on ne peut pas parler de toutes ces œuvres très importantes dans ces débats actuels sans parler de Mohamed Harkoun, qui a écrit différents ouvrages, notamment critiques de la pensée islamique, mais également comment sortir des clôtures dogmatiques. Et l'enjeu aujourd'hui, et là je rejoins M. Rehman, c'est de vulgariser toutes ces recherches déjà existantes au niveau du public, au niveau des débats de société à l'heure actuelle, parce que nous vivons vraiment une période de transition historique sans précédent. Et je pense qu'aujourd'hui, cela permet justement de pouvoir en parler librement et débattre. Voilà, je vous remercie. Bien, merci pour ce commentaire. Je crois que M. Besson avait une question, puis monsieur. Il y avait monsieur Besson, monsieur Kilani en troisième. Oui, voilà, moi je voudrais juste redescendre un peu parce que, en fait, je suis un politique et un diplomate. Et il me semble qu'il y a un exemple en ce moment d'un pays arabe qui vit son printemps depuis 60 ans sans jamais avoir atteint l'été, c'est le Liban. Et j'ai pu suivre ces dernières semaines, étant donné qu'il y avait des élections au Liban prévues pour le mois de juin, qui finalement n'auront pas lieu. Mais tout le débat de la classe politique et au Parlement et ailleurs sur la réforme de la loi électorale libanaise illustre parfaitement un certain nombre de questions qui se sont posées cet après-midi, mais à un niveau pratique. Là, on est jusqu'à maintenant, on est dans le conceptuel, dans l'histoire, dans le philosophique, mais dans le pratique politique et dans la pratique politique, ce qui s'est passé au Liban et les débats qui ont eu lieu au sujet de la réforme de la loi électorale sont parfaitement illustratifs de ce rapport qui est extraordinairement difficile dans cette région entre le politique et le religieux, entre l'État et le religieux, etc., etc. Voilà, je voulais juste, si on veut redescendre un peu sur terre, l'exemple libanais est un bon exemple. Vous voulez répondre? Oui, je vois que M. Raziri veut répondre. Bon, je me sens obligé d'intervenir et de dire que, en tant que Libanais, j'ai pas vraiment senti la douceur de ce printemps depuis que je suis né, d'ailleurs. Et justement, si on veut descendre à un niveau pratique, à un niveau politique, le Liban est une parfaite illustration de notre difficulté à mettre en place des institutions. Pourquoi le Hezbollah existe? Parce que l'État libanais s'est désisté de ses fonctions principales, à savoir défendre le territoire, défendre la population contre des agressions extérieures. La population a réagi, mis en place un parti et défendu le territoire. Elle a pris les fonctions que devrait prendre l'État. Non seulement elle a pris sa place, mais maintenant elle ne veut plus que l'État reprenne ses droits. Donc, et les trois quarts des Libanais, enfin pas les trois quarts, la moitié des Libanais trouvent ça normal. Donc, on a vraiment un problème avec cette notion d'État qui est, enfin, il y a une sorte de dialectique entre le fait que l'État est faible, on le remplace, et puis après, on ne lui donne pas les moyens de se renforcer, et on devient une compétition en compétition avec l'État. Et le sens des efforts, des débats, des actions qui sont menées au Liban, c'est justement de mettre en place un État capable de jouer son rôle. Et là, la volonté des gens, de ceux qui veulent mettre ça en place, se heurte à d'autres volontés qui sont de nature ou qui ont, disons, un masque religieux, alors, ou ethnique. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le Hezbollah, parce que les autres communautés, je veux dire, les autres communautés, elles font exactement la même chose. Ce n'est pas seulement les chiites qui font ça. Les autres communautés, la compétition entre la communauté qui s'est instituée en tribu, si vous voulez, qui est sacralisé dans le sens où si on quitte la communauté, on est bon pour être tué carrément. Donc c'est exactement la même chose. Et en parlant d'institution, il y a l'institution du mariage civil. Bon. Et pour la première fois dans un pays arabo-musulman à ma connaissance, a eu un mariage civil au Liban il y a quelques semaines. Bon. Pour la première fois. Bon, ailleurs dans le monde arabo-musulman, ouais, à ma connaissance, il n'y a pas de mariage civil. Justement, ça aussi, c'est un autre exemple, un autre exemple pratique de la lutte des gens pour gagner leurs droits. Parce que c'est quoi le problème du mariage civil? C'est que c'est un mariage qui est fait entre deux personnes en dehors de l'autorité des communautés respectives. Les communautés veulent justement conserver de façon tribale leur autorité, leur pouvoir sur l'individu, contre toute, contre tous les principes en fait de la religion elle-même. Et quand j'évoquais le fait que quand le Moufti a sorti au Liban, donc justement c'était à ce propos, il avait dit que tous ceux qui se marient de façon civile, ils sont hors de la communauté et ils seront pas enterrés et puis etc. Donc personne. Et quand je dis que personne n'a pris au sérieux ce qu'il a dit, personne n'a pris au sérieux. Simplement, il y avait des gens aussi qui réagissent de façon tribale et qui veulent justement conserver l'autorité de ces communautés. Et cette question, elle pose en fait la question fondamentale qui est la liberté de l'individu qui est octroyée par l'islam. La ikraha fi din, non seulement la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion, mais donc il y a plusieurs ayats dans le Coran qui dit à l'être humain, à la personne, si tu veux croire, tu crois, si tu veux pas croire, c'est ton problème, c'est à toi de choisir. Et que non seulement il s'adresse à la personne, à l'individu, mais même il s'adresse au prophète lui-même. Il y a aussi une ayah selon laquelle il dit que si Dieu voulait, tous les habitants de cette terre seraient devenus musulmans. Est-ce que toi, tu vas forcer les gens à devenir musulmans? Donc voilà, il y a dans la vie pratique, dans la vie quotidienne que nous sommes en train de vivre au Liban et ailleurs, on est en train de poser les questions qui ont été posées à un niveau philosophique sur dans la vie pratique de tous les jours. C'est au Liban que vous le vivez mieux. Je ne sais pas si on le vit mieux. Non, que vous le vivez le plus par rapport aux autres pays. Oui, peut-être qu'on a un peu de... Parce qu'on parlait au début, enfin, je crois que c'est vous, M. Mohamedou, qui avait mentionné la période coloniale et l'influence de la période coloniale, d'autres intervenants aussi. Mais l'Arabie saoudite n'a jamais été colonisée. Oui. On ne peut pas imputer au régime saoudien... Oui. Une influence de colonisation, décolonisation ou néocolonisme, néocolonial. C'est-à-dire, précisez votre pensée s'il vous plaît. Ils n'ont pas été colonisés, c'est vrai. Ils n'ont pas été colonisés. Et ils ont découvert le pétrole, donc d'où cette force. On peut dire que quelque part la relation avec les États-Unis est quand même une relation de dépendance, cette alliance. Mais je veux dire, où est-ce que vous voulez en aboutir? C'est-à-dire, ils n'ont pas été colonisés. Non, parce qu'en imputant à la colonisation et à la décolonisation un rôle, semble-t-il, fondamental, du moins cet après-midi, oui, c'est un certain nombre de personnes qui l'ont dit, et même l'intervenant par vidéo. Mm-hmm. Je pensais que l'Arabie saoudite n'a pas subi d'influence coloniale, d'occupation coloniale. C'est vrai. Bon, c'est une société bédouine. Alors, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, cet après-midi, c'est la différence entre, dans votre histoire du monde arabo-musulman, c'est l'influence de la bédouinité par rapport à au citadin. Mmh. Le monde du... vous voyez ce que je veux dire ? Ibn Khaldoun. Oui, je crois que c'est clair. Simplement, si je peux rapidement, Madame la Présidente, rebondir sur cette question pour lier à une question qui me semble fondamentale, c'est M. Meribout qui l'a soulevé, c'est la nature de l'État. Je crois qu'il apparaît clairement des différentes interventions qu'on aura besoin de préciser plus en avant ce qu'on veut dire par institution. Votre remarque, monsieur, les différentes discussions qu'on a eues, institution religieuse, institution républicaine, pour faire vite... je crois que c'est important. Mais au-delà de tout ça, la question de la nature de l'État. Quel État réellement veulent aujourd'hui les citoyens qui sont en train de se réinventer, si l'on veut ? Ça amène un certain nombre de questions. Et je voudrais simplement, par rapport au Liban, préciser cette question qui est très intéressante. La captation de fonctions dans laquelle est engagé Hezbollah, par exemple, hein, précisément sur la fonction martiale, est quelque chose qui lui a donné énormément, et je parle sous votre contrôle, de sympathie en Liban, en 2006 par exemple, avec le conflit avec Israël. C'est l'un des conflits les plus importants qu'il y a eu, de par la grammaire que j'expliquais. C'est lié, d'autres communautés, si vous permettez, d'autres communautés ont fait ça avant le Hezbollah. Le Hezbollah est la dernière communauté à pratiquer ce genre d'intervention ou d'irruption dans l'État. Mais oui. D'autres communautés l'ont fait avant, les Maronites l'ont fait avant. Certes, mais ça ne change pas, à mon sens, le fait que cette captation de fonctions demeure problématique pour cet État libanais dont vous vantiez les mérites à terme, l'aspect républicain. Je précise d'ailleurs par rapport à votre commentaire que pas mal de ces choses existent en Tunisie également. Il y a une profondeur constitutionnelle qui est là-bas. Voilà, merci. Bien, merci. Je pense que nous allons passer la parole à monsieur, puis à monsieur Kilani. Bonjour, mon nom est Alexandre Starker et je ne suis pas du tout un académicien, plutôt un conseiller politique. Et je conseille M. Amrou Moussa et le Front de Salut National en Égypte. Je suis un Suisse beurre puisque je suis arrivé en Égypte en 1948. J'ai été éduqué en Égypte. Le microphone fonctionne ? Et donc, je lui ai demandé il y a deux jours, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne au Caire aujourd'hui ou je viens voir à ce colloque ? Il m'a dit, va voir ce qu'ils disent. Et je dois dire que l'introduction avec le disciple de Mohamed Pacha, qui a été d'ailleurs tué par le régime au Soudan, parce qu'il avait des idées, disons, plutôt moderne, ça m'a donné un sacré choc. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, je suis peut-être un peu impoli, mais je veux vous dire en arabe, sahnom, bon réveil. Parce qu'en réalité, comme le disait M. Charlot et comme disait la dame, en fait, le problème dans lequel on se trouve est un vieux problème. Qui a commencé à la fin du 19e siècle, avant la période coloniale. Et quand on parle du colonial, il faut parler des Turcs, de Nizam el-Mulk, de toute cette machine qui, sur 1000 ans, a complètement détruit la civilisation arabo-musulmane médiévale et qui a imposé des lois qui sont encore valables aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en fait en phase de situation de réforme et de contre-réforme. La réforme dit il n'y a plus de droit divin, et la contre-réforme dit non, il faut rester sur le droit divin. Et quand je vois votre titre, je me dis que nous, en pratique, on a quatre questions à régler. La première question, est-ce qu'on est des citoyens ou des sujets ? Je dirais en Égypte, on est encore des sujets. La deuxième question, est-ce qu'on fait partie du 21e siècle ou on est une exception ? Et je dirais qu'en Égypte, on a plutôt tendance à croire qu'on est une exception. La troisième question est, est-ce qu'on doit continuer à avoir des régimes pharaoniques qui nous donnent tous les ordres en haut vers le bas, ou bien est-ce qu'il faut avoir une approche plus décentralisée? Et en fait, la quatrième question auquel il faut répondre, c'est quel est le poids de la religion dans l'État? Voilà, je m'excuse, mais je pense qu'on a abordé un peu ces sujets, mais ça m'intéresse beaucoup, donc je suis très content de rester encore 2 jours. Alors, merci pour votre commentaire, monsieur. Je passerai donc la parole à Mondekinan. Merci. En fait, j'aimerais faire juste quelques commentaires autour. On effectue un retour sur la question de la sécurité, de la violence, et plus précisément la violence extrême. Enfin, je m'expliquerai ce que j'entends par violence extrême. Bon, comme vous le savez tous, malheureusement, l'actualité, notamment en Syrie, nous assistons à des formes de violence extrême qui semble aller au-delà d'une forme de rationalité dans la guerre. Et il me semble, si je ne me trompe pas, cette forme de violence extrême n'était pas très répandue, en tout cas on ne l'a pas beaucoup vue au Moyen-Orient, et par extension, disons, au Maghreb. Quoique, en Algérie, pendant la guerre civile, nous avons assisté à une forme de violence extrême. Et Abdelrahman Moussaoui a écrit un excellent livre pour mettre en scène et pour expliquer, d'un point de vue d'un anthropologue, la théâtralisation de la violence. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres formes de violence, mais plutôt étatiques, du temps de Saddam Hussein avec les armes chimiques contre les Kurdes, pendant la guerre en Irak. Bien sûr, les répressions des différents régimes. Même au Liban, la guerre interconfessionnelle n'a pas produit les formes de violence qui semblent prendre forme actuellement en Syrie. Il y a eu Sabra Shatil, bien sûr, et notamment, bien sûr, l'intervention israélienne. Mais enfin, bon, c'est-à-dire ce que j'aimerais, en fait, c'est que, je ne sais pas, ça c'est une question que j'adresse directement à Mahmoud, enfin, si tu as réfléchi sur cette question-là, en fait, pour saisir cette logique, bon, je viens de dire que Abdelrahman Moussaoui a fait ce travail pour l'Algérie pour montrer qu'il y a une ritualisation des formes de violence, il y a une symbolisation, et que finalement, comme tout anthropologue qui se respecte, la violence n'est pas naturelle, elle n'est pas dans la nature de l'homme, parce qu'il n'y a pas de nature de l'homme, il n'y a que des femmes, des acteurs et des actrices sociales dans des contextes particuliers qui agissent. Alors, ce que j'aimerais, en fait, c'est un peu élargir la comparaison. Personnellement, j'ai travaillé sur la question de la violence extrême et la guerre, le sacrifice, et notamment dans les pays latino-américains. Alors, c'est très bien, en fait, qu'en Amérique du Sud, notamment en Colombie, mais aussi au Paraguay, mais aussi au Mexique, d'ailleurs, tu as cité le Mexique, tu as cité la violence exercée par les narcotrafiquants, qui est une violence extrême. On sait très bien, en fait, qu'il y a des centaines de milliers de femmes qui disparaissent. Il y a aussi une forme extrême de violence extrême bon, en Colombie, la guerre civile qui dure depuis un siècle, qui revient et dans laquelle sont impliqués les guérilleros, sont impliqués l'État, les narcotrafiquants, et il y a véritablement une violence extrême, c'est-à-dire on tue, mais on tue encore une fois, c'est-à-dire on dépèce, on disloque le corps, une mise en scène rituelle pour aller au-delà, en fait, de ce que recherche un acte de guerre qui consiste finalement à paralyser ou en tout cas à vaincre l'ennemi. Donc en fait, l'ennemi est à éliminer totalement, ce qu'on retrouve un peu dans le terrorisme, dans la Al-Qaïda, mais aussi du côté de Bush, en fait, au fond, cette logique gemellaire où l'ennemi ne sera jamais ami. Bon. Mais ce qui m'intéresse, il y a aussi le Brésil, bien sûr, il y a par exemple les escadrons de la mort, en fait, mais il y a une sorte de forme de génocide contre les pauvres. Enfin, on peut dire qu'il y a aussi une forme de violence extrême structurelle. Mais ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que les anthropologues, les sociologues, les historiens ont expliqué cette violence extrême en la renvoyant à une forme symbolique, en la renvoyant à des considérations politiques, à des considérations économiques. Mais, si je ne me trompe pas, en fait, on n'a jamais naturalisé cette forme de violence. On n'a jamais dit, au fond, les Colombiens, ils ne savent que, ou ils ne connaissent que le langage de la force, hein, que de la violence. Alors, ma question, en fait, et au fond, c'est un commentaire par rapport à ce qui a été dit. Lorsqu'il s'agit des Arabes, finalement, il y a ce stéréotype. Les Arabes ne connaissent que la violence. Ils ne connaissent que le langage de la force, et il faut utiliser la force contre eux. Enfin, à plusieurs reprises, ça a été utilisé à l'époque coloniale, mais aussi, en fait, dans le conflit israélo-palestinien. C'est très bien qu'un des arguments d'Israël, fallacieux, c'est dire, mais de toute façon, les Arabes n'ont pas... Nous, on veut bien faire la paix, mais au fond, les Arabes ne connaissent que le langage de la force. Donc, il y a une forme de naturalisation, il y a une forme de d'essentialisation pour une certaine partie de l'humanité, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour d'autres populations et d'autres cultures. Donc, ma question, c'est d'abord, comment, toi, tu pourrais expliquer ces formes de violence qui prennent place actuellement en Syrie et qui semblent relever, si j'ai bien compris, de divisions en fait, internes, et tu as même utilisé le terme d'immémorial. Et est-ce que, justement, est-ce qu'on ne peut pas faire une analyse qui puisse aller au-delà de cette naturalisation de la violence dans le monde arabe? Et d'autre part, juste pour rebondir sur... l'intervention de Farhad tout à l'heure, de Kousrokoula, à propos de l'orientalisme et puis du fait qu'il ne faut pas peut-être partager ou séparer les éléments enfin, qui auraient les méchants, enfin, les orientaux, les orientalistes et puis les autres victimes des orientalistes. Mais il me semble que comme il y a un discours orientaliste ou néorientaliste, d'ailleurs partagé par les uns et par les autres, c'est-à-dire on peut être un Européen sans être orientaliste, tout comme on peut être un oriental, ou enfin un Égyptien, un Tunisien. En partageant un peu ces idées orientalistes. Et là, cet exemple de la violence et cette forme de naturalisation de la violence chez l'arabe, me semble-t-il, relève de cette forme d'orientalisme qui n'a quand même pas disparu, disons, dans la représentation de l'autre. Et de nouveau, bien sûr, ce n'est pas du tout pour aller dans le sens de cette naturalisation, pour dire au contraire quelle que soit la violence, elle relève d'un contexte culturel et il est même de notre devoir en fait, de l'expliquer culturellement pour en fait, saisir des responsabilités parce qu'on ne peut pas dire en fait, que oui, la violence fait partie de la nature humaine. Alors en disant cela, en fait, on peut se déculpabiliser, on peut se déresponsabiliser. Au contraire, c'est de montrer en fait, que et d'ailleurs c'est ce qui fait la force de la violence. Plus elle est culturelle, plus elle est ritualisée, plus elle est symbolisée, plus elle passe par plus en fait, elle produit des effets dévastateurs. Donc ce n'est pas une simple pulsion comme ça, animal. Non, ce qui est terrible, en fait, c'est que les cultures humaines sont des cultures génocidaires. C'est-à-dire que c'est la culture qui est génocidaire, ce n'est pas la nature humaine. Voilà, en fait, c'est juste des considérations pour revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été avancés. Merci, Mondor. Merci pour tes remarques qui sont de la musique à mes oreilles, à mains égards, parce que c'est un peu la thématique que je voulais introduire pour avoir ce débat. D'abord, sur le côté orientaliste de la chose, soyons tous d'accord, l'orientalisme introduit par Saïd, le néo-orientalisme tel qu'on le connaît, est un discours qui peut être présenté par n'importe qui. Ce n'est pas le fait du Nord ou du Sud. Et précisément, je crois que on peut dire aujourd'hui que nous avons beaucoup de néo-orientalistes au Sud qui se réapproprient, paradoxalement, si l'on peut rester dans ces catégories géographiques, un discours qui est au départ axé sur une logique de disqualification qui s'applique précisément à eux. Donc c'est un discours qui peut apparaître ici et là. Je crois qu'il est central. Je crois qu'on a tendance un petit peu à croire qu'on en fait... que ce n'est pas la peine de réintroduire ce paramètre dans ces discours. Je crois que la question de l'orientalisme est au cœur du printemps arabe. La manière dont il a été présenté initialement, la manière dont parfois, on a ce récit de soi-disant d'un hiver arabe qui serait le résultat de ce printemps arabe, toutes ces formules rapides et fausses sont informées par ces logiques qu'on trouve très clairement au départ expliquées par Saïd, qui est un discours qui accompagne un projet politique qui lui donne une certaine légitimité ou apparence de légitimité. Par rapport, deuxième point, par rapport à la question de la stigmatisation d'une ethnie, d'une culture, d'une religion, les Arabes, les musulmans, pour faire rapide, je crois que c'est aussi un fait lorsqu'on parle de colonialisme, de post-colonialisme, de recolonialisme, à mon sens, parfois. Ce n'est pas non plus de la stigmatisation inversée, ce n'est pas pointé du doigt et immédiatement rentrer dans cette logique dont on a parlé, que voilà, c'est la faute des autres. C'est tout aussi faux. Par contre, il y a une réalité documentaire par rapport à ceci, qui est qu'effectivement, on peut faire une généalogie de cette stigmatisation qui est là. De Tocqueville écrit son livre sur la démocratie. Quelques années plus tard, travaille sur l'Algérie, dans lequel on trouve des chapitres entiers sur de la manière de faire la guerre aux Arabes, et qui explique de manière très claire, très explicite, qu'il faut raser, tuer, piller, etc. Donc c'est des faits historiques que tout historien, anthropologue, sociologue, politologue qui se respecte ne peut pas nier par rapport à ceci. Et il y a une filiation, une généalogie qui est là et qu'on retrouve jusqu'au néocon dont on parlait tout à l'heure. Alors, je crois que tu poses la question essentielle. Où est-ce que tout ceci nous amène aujourd'hui par rapport aux transformations qui sont en cours, la violence extrême sur laquelle tu as travaillé, le cannibalisme qu'on a vu il y a 3 semaines en Syrie, ce sont des choses quand même assez effarantes par rapport à ceci. Je crois que je cherchais pendant que tu parlais le nom de l'auteur de ce livre qui s'appelle Monstering, qui est paru en 2005-2006 aux États-Unis, je ne l'ai pas trouvé, qui explique comment ces formes de transformation en monstre ont été un petit peu travaillées dans les prisons en Irak, la torture dont on parlait tout à l'heure, comment des individus prenaient plaisir à se théâtraliser eux-mêmes, les photos qu'on a vues, toutes ces questions, voilà, Abu Ghraib pour faire vite. Alors je crois que la violence qu'on voit aujourd'hui en Syrie d'abord nous amène sur des terrains nouveaux, je parlais tout à l'heure de la profondeur historique, mais je crois qu'elle est cumulative, déjà, toutes ces rancœurs sociétales, si l'on peut dire. Deuxièmement, et ce sont aussi des rancœurs immédiates par rapport à un régime qui est en train de tomber, qui a été particulièrement brutal. Mais je crois aussi, le troisième paramètre le plus important pour moi et le moins avec lequel on est moins familier, parce qu'il est nouveau, je crois que ça participe d'une forme de mondialisation. Aujourd'hui, nous avons depuis 10-15 ans une forme de mise en scène de soi. Les miliciens qui se promènent avec des iPhones et qui se filment partout, pas simplement en Syrie, en Libye, ailleurs, la manière dont la mise à mort de Kadhafi par exemple, toutes ces choses là je crois qu'elles participent d'une espèce de mise en scène, comme je disais, qui a beaucoup à voir avec notre époque plus qu'elle a à voir avec l'historique à tout le moins autant qu'elle a à voir avec l'historique de ces sociétés. Mais je crois que c'est un projet qui naît. Ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais je pense que je peux apporter des réponses ici aujourd'hui. Mais je crois qu'on voit dans cette barbarité naissante, ce monstering, beaucoup d'éléments qui ont à voir avec notre époque autant que ce qui a lieu sur le terrain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non. Ah, oui. Oui, allez. Cette question de violence, parce que les choses sur lesquelles je suis d'accord, que je vous avais dit, mais je pense aussi qu'il faut faire attention sur... parce qu'en se focalisant sur... et en établissant une sorte d'échelle de la violence, en disant il y a une violence plus extrême ou une sorte, vous avez utilisé l'expression barbare ou forme de, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est comme ça nous rend amnésique de la violence la plus meurtrière, qui la violence soi-disant classique, la violence rationnelle. Est-ce que on a parlé tout à l'heure des responsabilités, mais est-ce que Bush a été jugé ou Tony Blair ont été jugés pour leurs crimes de guerre? Personne ne, donc les crimes de masse ou la violence destructive la plus en termes ne serait-ce que numérique, en termes de vie humaine, elle est ailleurs, elle n'est pas dans au niveau des territoires dont on vient de parler. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans un piège qui consiste à dire qu'il y aurait une bonne violence et il y aurait une mauvaise violence. Il y aurait une violence rationnelle, la violence des civilisés, et puis il y a la violence des barbares. Donc, il faut faire très, très attention. Est-ce qu'il y aurait une vie humaine qui serait plus précieuse qu'une autre? Est-ce qu'il y aurait une manière de tuer et de supprimer la vie humaine qui serait plus rationnelle, plus humaine, plus civilisée qu'une autre? Je ne le crois pas, mais je pense que là aussi, le débat est ouvert. très rapidement, je suis d'accord avec vous. À nouveau, je crois que c'est le sens de ce que je disais tout à l'heure en rappelant la violence des drones, qui n'est pas interrogée, qui est effectivement tout ce que vous dites sur Bush, et on peut remonter à d'autres régimes auparavant, la guerre du Vietnam, le Cambodge, toutes ces questions qui sont effectivement au centre de ceci. Par rapport à bonne et mauvaise violence, c'est tout le sens de ce que je voulais dire en citant Mbembe. C'est ce cycle de ce que Semelin appelle les vertiges de l'impunité. On passe d'un cycle à un autre sans jamais l'interroger. Il n'y a clairement d'abord pas de bonne ni de mauvaise violence par rapport à ça. Et les crimes de masse restent tout aussi, si ce n'est plus important, en tout cas numériquement, que ce qu'on voit à l'échelle individuelle. Par contre, je pense qu'on peut garder des catégories comme barbarité. Quand on voit le cannibalisme auquel se sont adonnés ces miliciens, dont ils sont les premiers à être desservis, précisons-le, je crois que c'est quelque chose d'assez arresting, comme on dit en anglais, qui bloque en tout cas à ce niveau. Bien, très bien. Je pense que nous sommes à la fin ici d'une session qui a été extrêmement riche, déjà en intervention et en débat, et qui laisse bien présager, je dirais, de la suite du colloque. Alors je remercie encore une fois nos deux intervenants présents aujourd'hui, et puis tous ceux qui ont participé au débat avec leurs questions et commentaires. Et je passe la parole à Reda Benkiran, qui vous donnera quelques informations pratiques concernant la suite. Merci. Oui, juste pour dire que bon, nous sommes bien rentrés dans le vif du sujet. On a abordé des questions, disons, assez centrales liées à la violence, à l'État, et que demain, le programme continue. On sera encore aussi dans le vif du vif du sujet. Donc demain et après-demain, demain, deux sessions. La session du matin qui commence dès 9h, perspective historique et anthropologique. Nous aurons des éclairages ethnographie, anthropologie, philosophique, sociologique. La deuxième session, ça sera plus axé sur la sociologie. Et bon, certains des intervenants ont déjà donné à voir, nous ont mis en appétit. Je crois que voilà, on va travailler. J'aime bien aussi l'idée que la parole circule, un peu comme dans un match de football, qu'elle circule de manière assez vive, un peu du brain tennis. C'est que chacun pose une question, un témoignage, un commentaire vif et incisif. Ça aide aussi à la qualité du colloque. Donc je vous remercie et je compte sur votre présence demain. Merci.